Ok, donc l'idée c'est que après Gaël va nous parler sur Notre-Dame-des-Landes, c'est ça? On enchaîne maintenant? Ouais, c'est l'heure? Ok, donc en deux, trois mots, pourquoi? Ok, Notre-Dame-des-Landes, vous connaissez tous, j'imagine. Bon, ouais. Ouais, ben ouais. Alors, Notre-Dame-des-Landes, ça s'inscrit dans le paysage des grands projets inutiles et imposés. Donc là, je vais rebondir un peu sur le capitalisme qui est la base du problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce système-ci, on veut toujours, par exemple, on entend toujours, ça va créer de l'emploi, ce qui est une bonne chose dans ce système capitaliste. Effectivement, il vaut mieux d'avoir un boulot pour avoir quelque argent dans la poche. Et donc, ces politiques-là emmène à un constant développement, construction d'une croissance, voilà, exactement. J'évite ce mot-là parce qu'il est un peu controversé, mais c'est exactement ça. Donc, pour créer de l'emploi, pour relancer l'économie, on va construire ça, on va déplacer un aéroport. On a besoin de beaucoup d'énergie, donc on a besoin quelque part pour stocker les déchets. Donc, là, je fais la référence à Bure. Et évidemment, à chaque fois, c'est qui paye? C'est l'environnement, parce que pour faire ces nouvelles constructions, il faut utiliser des terres qui, la plupart du temps, sont agricoles, de petites exploitations. Et donc, voilà. Et ouais. Donc maintenant, Gaël va nous parler plus spécialement de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, c'est dans la région d'Île Atlantique. Et voilà. Plus par Gaël. En fait, pourquoi on va parler de Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui? En fait, il y a un gros rassemblement qui est prévu ce week-end, en ce moment même, qui a commencé hier et ça se passe très bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. En fait, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de se rassembler en ce moment pour. En ce moment, c'est ça. Ils sont sur place. Ouais. Et nous, on est à Paris, bon. Pour lutter contre la construction d'un aéroport qui se situe à une quarantaine de kilomètres de Nantes, autour d'un petit village qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes. J'ai pas beaucoup préparé, donc je vais essayer de pas trop lire mon texte, mais en fait, j'ai rassemblé quelques dates pour resituer un peu le projet de l'aéroport. En fait, ça date des années 60. C'était pour développer la région du Grand Ouest. Il y a des industriels qui se sont réunis et qui se sont dit, pour développer cette région et pour encourager le trafic aérien, il faudrait construire un très grand aéroport qui permettra de desservir l'Ouest. Voilà. En 1974, il y a une zone qui a été délimitée, donc à Notre-Dame-des-Landes, et qui est aujourd'hui le périmètre de la ZAD. La ZAD, en fait, ça veut dire zone d'aménagement différé, qui a été repris par les militants anti-aéroport en zone à défendre. Si je ne me trompe pas, c'est ça. En 1985, devaient débuter les travaux, mais ça a pris 30 ans de retard et aujourd'hui, on n'est toujours pas. Il y a une espèce de jeu entre Vinci qui devait commencer les travaux et les militants sur place. Je répondrai à toutes vos questions après, il n'y a pas de souci. En l'an 2000, il y a des élus qui se sont réunis pour créer une association, c'est l'ACIPA, qui fait un gros travail sur place de sensibilisation contre ce projet et qui réunit donc des élus, des habitants sur place, des paysans, des militants environnementaux de toute la France et qui permet de faire vivre cette ZAD, c'est-à-dire c'est l'espace prévu de construction de l'aéroport, qui aujourd'hui est habité par à peu près 200 personnes à l'année, qui vivent de façon permanente sur place. Donc voilà, en 2008, le projet est déclaré d'utilité publique, c'est-à-dire que c'est une première finalisation du projet et qui va permettre d'accélérer les étapes et de commencer les travaux les années qui suivent. En 2010, c'est la signature du contrat entre l'entreprise Vinci et l'État. Donc là, ça se finalise encore un peu plus. Tout ça en parallèle à l'occupation du territoire de la ZAD par des militants. Et en 2012, il y a eu une opération d'expulsion. Il faut savoir qu'il y en a eu plusieurs, mais celle-là, elle a été particulièrement violente. C'est-à-dire que les militants, ils ont été, ils sont régulièrement menacés d'expulsion. Sauf que là, il y a eu CRS et tout ça, il y a eu affrontements et il y a eu plusieurs blessés de part et d'autre. Voilà. Ouais, en 2016, cette année, c'est beaucoup plus actuel. En fait, il y a eu un référendum, enfin, qui n'est pas appelé référendum, mais consultation publique, qui a été organisé par le gouvernement Valls pour les habitants du département de Loire-Atlantique, pour leur demander est-ce que vous êtes d'accord pour la construction d'un aéroport. Et il y a eu 55% de la population qui a été d'accord. Sauf qu'on peut se demander si c'est vraiment... c'est un aéroport qui est censé desservir des villes de France et du monde entier. Donc pourquoi consulter uniquement la population de ce département? Voilà. De quoi je voulais vous parler? Ouais, le projet d'aéroport, en fait, pourquoi il y a une opposition forte à ce projet? Pour deux raisons. Déjà parce que va y avoir une évacuation de plusieurs villages et une expulsion de plusieurs fermiers qui habitent sur place. Il y en a déjà qui sont partis, qui se sont fait expulser. Mais il y a quelques résistants qui ne veulent pas déménager et qui ne veulent pas que leurs terres agricoles soient remplacées par des pistes de béton. Et deuxième raison, c'est une zone humide de vraiment grande importance écologique. Il y a plein d'espèces végétales, des espèces animales. Et tout ça pourrait être remplacé par un aéroport qui lui-même n'est pas d'une grande importance. Il y a déjà l'aéroport de Nantes qui est de grande taille. Et pourquoi vouloir construire un aéroport? En plus, c'est dans une logique d'augmentation du trafic aérien, ce qui n'est absolument pas écologique. Donc se pose la question de pourquoi un aéroport, pourquoi cet endroit-là alors qu'il y a des gens qui y habitent. Même si c'est des petits villages, il y a des gens qui y habitent et il y a des, enfin il y a une zone humide, donc voilà, une forte opposition au projet sur place, quoi. Alors non seulement il y a des habitants sur place, mais s'est développé tout un réseau de militants. Qui vont construire des maisons sur place, qui ont fait plein de chantiers et qui ont permis de développer un centre, comment dire, avec des alternatives écologiques telles que la permaculture. Il y a une autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire que les gens, les militants qui habitent sur place, ils se nourrissent avec ce qu'ils produisent eux-mêmes. Il y a des champs, il y a plein de choses, il y a des arbres fruitiers, il y a tout ça. Donc il est tout à fait possible de vivre autrement et surtout de s'opposer de façon pacifiste à la police qui fait régulièrement des descentes dans la ZAD, aux gendarmes, enfin à tous les opposants de l'aéroport, qu'ils soient représentants de l'État ou institutionnels. Voilà. Il y a eu plusieurs consultations scientifiques qui ont indiqué le fait que la construction d'un aéroport à cet endroit-là était totalement anti-écologique. Ça allait détruire un milieu qui est très riche, enfin qui est très important. Et donc cette double dimension du projet, à la fois anti-écologique et puis anti-paysan, voilà. Et c'est pour ça que aujourd'hui il y a des milliers et des milliers de gens qui se rassemblent sur place et qui ont fait une grande manifestation, qui pour l'instant se passe très bien. On a des nouvelles un peu façon continue, des photos, des vidéos. Et parce que lundi 9 octobre, merci, a été décidé le début des travaux. Donc on ne sait pas quand on va être évacué la ZAD. Évidemment, les ZADistes, ils sont pas prévenus avant. Et apparemment, il y a quand même des hélicoptères de police, enfin des gendarmeries qui tournent autour. Et donc on attend des nouvelles. Voilà. Pour conclure, en fait, la commission Écologie Debout, on s'intéresse beaucoup aux grands projets inutiles et imposés. Et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se classe tout à fait dans ces projets inutiles et imposés. inutile parce que l'augmentation du trafic aérien, c'est inutile. Et imposé parce que ça a été imposé aux habitants de la zone, aux habitants et à la fois aux espèces végétales et animales qui sont sur place. Voilà. Si vous avez des questions, c'était très court mon intervention, mais je préfère faire un débat et puis poser des questions. Voilà. C'est un projet d'autant plus inutile que l'aéroport de Nantes ne fonctionne pas à plein rendement. Et que depuis sa création, il n'a jamais atteint sa pleine capacité, il en est encore loin. Donc c'est même pas pour désengorger un aéroport saturé, tu disais, pour augmenter le trafic aérien. Donc déjà, il y a Vinci qui a énormément de fric à se faire sur la construction de cet aéroport qui ne sert à rien. Et après, ça veut dire qu'on va pouvoir vendre plus d'avions, donc consommer plus de carburant. En fait, c'est très logique leur système. Sur l'inutilité de l'aéroport, en fait, il a été conçu à la base dans les années 60 pour permettre au Concorde, à l'avion Concorde, de se poser parce qu'il faut des grandes pistes, etc. Sauf que l'avion Concorde, aujourd'hui, on s'en sert plus. C'est totalement dépassé, ce qui rend le projet d'autant plus encore inutile et inactuel et dépassé. Ouais, j'ai un pote qui traîne un petit peu là-bas et il m'a dit que eux, carrément, sur la ZAD, il y a des gens qui pensent que ils veulent imposer cet aéroport juste pour, enfin juste, voilà, entre autres, pour détruire ce mouvement qui commence à prendre de l'ampleur. Donc voilà, est-ce que vous avez des infos là-dessus ? Bah. Sans rentrer dans les clichés, il y a peut-être un ras-le-bol global des projets comme ça qui sont imposés aux gens et aux habitants sur place qui ne sont pas consultés. Parce que la consultation publique, hein, c'est une grosse blague. Après, le fait que ce projet-là il soit imposé pour anéantir, pour diminuer le combat, moi je suis allée sur place et j'ai vu des gens à la fois qui étaient fermement opposés à l'aéroport. Et des gens qui étaient à la fois qui voulaient vivre une alternative, c'est-à-dire être autonome alimentairement, etc. Donc je pense qu'il y a plusieurs zadistes et il y a plusieurs constructions de sociétés parallèles. Enfin, je sais pas comment. Étant donné qu'en ce moment-là, il y a plein de grands projets inutiles qui fleurissent, notamment en région parisienne, Europa City, à Bure, le site d'enfouissement des déchets, je pense qu'effectivement, si ils font un pas en arrière, ça va être une défaite pour eux. Et c'est clair que le mouvement va être, il va avoir un grand enthousiasme du côté des militants. Et ils vont se dire, voilà, on peut aboutir à quelque chose, donc faisons des aides partout. Ce qui serait évidemment très bien pour nous, mais pour eux, ce serait pas tellement bien. Donc effectivement, je pense qu'il y a un égoïsme et une politique derrière qui dit que non, si on lâche l'affaire, malgré que tout le monde dit que c'est une aberration, spécialement le projet Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment un projet dépassé et complètement aberrant. Mais voilà, je pense que c'est ça qui... S'il y a d'autres questions ou réactions sur Notre-Dame-des-Landes, ouais. Bonjour messieurs, dames, je me présente. Bon, bref, je n'ai pas à me présenter, je suis porté nu debout. Pourquoi les femmes sexistes ne sont pas féministes dans tout le monde entier ? Alors, comme on est sur Notre-Dame-des-Landes... Je sais pas si vous devez répondre au sujet, voilà. Mais pourquoi les femmes sexistes ne sont pas féministes ? Il y avait une fin, non ? Dans tout le monde entier. Bon, ça vous inspire ? Pourquoi les femmes sexistes ne sont pas féministes dans tout le monde entier ? Pour faire un lien avec l'écologie... Je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, le combat féministe et le combat écologique sont liés. Mais... Et qu'à nu debout, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sexistes. Mais sinon, voilà, je sais pas. C'est déjà bien. Ouais, tu veux... N'hésitez pas, hein, du coup, à lever la main, je vous passerai le micro. Bah, du coup, je vais faire tourner, ouais. Non, pour revenir à ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, je crois que c'est des magouilles entre élus, entre députés, entre élus locaux. Voilà, je te passe ce marché, tu me donnes ton pognon, tu voteras pour moi. C'est un marché entre élus, c'est tout simplement. Ce qu'il faut, c'est arrêter ça, stopper ça. Voilà. Putain de merde, et puis leur renverser la table. Moi, j'ai toujours pareil. Moi, je suis maintenant personnellement pour des actions violentes, maintenant, moi. Violente, entendons-nous, bien sûr. Alors, attendez. Déjà, vous voulez répondre ou... Non. Alors, il y avait... vous n'avez pas encore parlé. Je voudrais juste répondre, comme on est place de la République, on est quand même dans une République. Quand j'entends ça, ça me fait juste un petit peu peur, en fait. J'ai pas de position particulière sur l'aéroport, mais je voudrais juste... comme ici, c'est un lieu de démocratie, il y a eu un vote par rapport à ça. Il y a eu un suffrage pseudo, universel sur une partie géographique limitée. Mais quand vous dites, on va pas respecter cette décision-là. Je pose une question, j'ai pas d'avis. Je pense que vous pouvez répondre là-dessus. Ouais. Sur la question du référendum, il y a deux choses. Premièrement, comme vous l'avez bien dit, la région, elle a été choisie telle parce qu'ils savaient que dans ce périmètre spécifique, le résultat aurait été un oui. Si c'était un périmètre un peu plus restreint, ça aurait été un non. Et si c'était sur un périmètre plus grand, ça aurait été de nouveau un non. Donc, ils ont un peu biaisé le résultat. Une chose, et la deuxième, c'est qu'il faut oublier que tous les médias et tous les journaux dans cette région-là, ils ont fait de la propagande pour le oui. Donc voilà, évidemment, du côté du non, les gens n'ont pas les moyens financiers vraiment de informer les gens et de communiquer sur le sujet. Et cette consultation, parce qu'on l'appelle pas référendum, parce qu'elle a pas de, en fait, elle a aucune valeur juridique, mais elle a permis à Valls, au gouvernement actuel, de dire OK, la population est pour le projet, allons-y, alors que ce n'est pas un référendum. Mais ça a permis de valider en quelque sorte la légitimité du projet, alors que un aéroport, c'est quand même quelque chose qui concerne à la fois la population locale, mais également toute la France, et on peut élargir après. À des périmètres. Et le projet à la base, il a été pensé pour le Concorde, mais est-ce qu'il a été revu après à la baisse, révisé, ou est-ce que c'est un projet en l'état comme il était au départ? En fait, à la base, ouais, il a été conçu pour le Concorde, et finalement, il n'y a plus de notion de Concorde aujourd'hui, mais le périmètre lui-même des travaux a fortement augmenté. Et il a été parlé d'un transfert en fait de Nantes à Notre-Dame-des-Landes, sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'aéroport de Nantes, déjà, il marche pas à sa pleine capacité. Mais oui, le projet a évolué. Mais ça fait depuis 40 ans et les travaux n'ont toujours pas commencé. Il faudrait peut-être que soit il se prend une décision pour l'aéroport et la construction des travaux, ça va se heurter à des militants, soit il se prend une décision contre. Et comme disait Sophia tout à l'heure, si le gouvernement recule sur ce projet-là, ça veut dire qu'il peut reculer sur d'autres projets et... Ouais, j'ai entendu dire qu'au niveau de la Commission européenne, ils n'étaient pas tout à fait d'accord aussi avec Notre-Dame-des-Landes. Et voilà, je voulais savoir si vous avez des infos là-dessus. Et on m'a dit aussi qu'ils font des formations à la ZAD pour se former sur différentes choses. Et voilà, donc savoir avoir un peu plus de détails là-dessus. Alors, la Commission européenne, je dois t'avouer que j'ai pas trop d'infos là-dessus. Mais de toute façon, je pense que le gouvernement va pas attendre de décision de l'Europe, parce que vu la consultation juridique qui a été en faveur de l'aéroport, je pense qu'ils vont se contenter de ça pour appuyer le projet. Et pour la deuxième question, ouais, ils organisent en fait des formations à la résistance pacifique, c'est-à-dire à comment militer de façon pacifique, voilà, dans la ZAD, enfin en milieu naturel, c'est-à-dire en forêt et tout ça. Ils font aussi également des formations à la permaculture. Ils font des formations à l'architecture en milieu naturel, c'est-à-dire construction de cabanes en bois et tout ça. C'est vraiment un lieu, en fait, c'est pas que un lieu anti-aéroport. À la base, c'est ça. Mais c'est aussi un lieu de, comment dire, d'expression populaire et de... Toutes les décisions sont prises à plat. C'est vraiment pris de façon horizontale. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. Et c'est aussi un laboratoire démocratique très intéressant. Ça dérange pas. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il a peut-être des infos sur la Commission européenne. Donc après, je te passe. Ouais, non, c'était juste pour te répondre. En fait, la Commission européenne, elle a émis plusieurs avis négatifs. Après, les contenus, c'est des termes assez juridiques, mais c'est des avis. Après, je sais pas si c'est un pouvoir d'injonction vraiment, tu vois. Mais il y a eu plusieurs avis vraiment négatifs qui sont officiels, émanant de la Commission européenne. Et pour revenir à ce qu'elle disait Gaëlle sur la ZAD, moi, y étant y allé quelques jours, c'est vrai qu'il y a plus d'une cinquantaine de collectifs, donc il y a vraiment plein de choses. Après, c'est dur de s'informer à distance, il faut vraiment y aller, parce que même quand tu leur essaies de communiquer avec eux, c'est assez complexe, c'est normal, et c'est vraiment y aller après pour, il y a des stands d'accueil et tout, pour après vraiment avoir le contenu des formations, mais c'est vraiment très, c'est très hétérogène, quoi, t'as plein de choses, comme ce qu'elle disait Gaëlle, sur le site, quoi, c'est vraiment, vraiment bien. N'hésitez pas, ouais. La ZAD produit une radio, produit des journaux, produit plein de contenus en ligne et pas en ligne. Et là, on a des entretiens qui ont été réalisés avec des ZADistes. Et si ça vous intéresse, on peut les faire tourner. Voilà, petit point technique. Donc, tu as bien précisé qu'en fait, le nouveau projet présente même une extension de l'aéroport. Alors... déjà qu'il n'y a pas besoin de particulier de cet aéroport, il n'y a surtout plus besoin de pistes longues spécifiques, sauf pour quelques types d'avions. C'est les nouveaux gros porteurs cargo qui sont encore très marginaux sur le marché, mais qui commencent à... Il y en a quelques-uns qui sont conçus pour transporter d'énormes charges sur de très longues distances. Derrière tout ça, il n'y aurait pas un projet d'industrialisation de la région par hasard. Donc des conséquences écologiques avec. Ben, je pense que c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, et c'est comme ça qu'ils essayent de piocher des votes positifs. C'est en disant, voilà, ici, ça va devenir un gros pôle de commerce et ça va générer de l'emploi. Et ça, en fait, c'est toujours les promesses qui viennent avec ces grands projets qui détruisent un peu, qui tombent au milieu d'une région un peu rurale, c'est qu'ils promettent de l'emploi. Après, c'est vrai que dans ces régions-là, des fois, il y a un chiffre de chômage assez élevé. Et c'est notamment le cas de la région où ils veulent faire Europa City. Donc, à chaque fois, ils promettent, de l'emploi. Même si il y a des rapports qui montrent que ça va pas créer tellement d'emplois, ce sera des emplois plutôt à court terme et que les aspects négatifs ils sont dominants aux aspects positifs, temporels de cet emploi. Voilà. Mais si vous êtes dans un promesse d'emploi, je crois que la transition écologique, si on y va à fond, c'est aussi porteur d'emploi. Oui. Ça rejoint après un peu ce que j'ai dit avant, c'est que nous, malheureusement, les gens qui sont contre l'aéroport, on n'a pas les moyens de communiquer comme eux, ils ont les moyens. Donc, j'ai entendu dire que dans les journaux locaux, il y a eu des articles, des pubs et tout qui disaient ça va créer de l'emploi pour quelqu'un qui vit dans cette société-ci, ça résonne dans ses oreilles, c'est clair. Ils vont avoir besoin des gens, de la main-d'œuvre. Donc, c'est clair. Par contre, pour quelqu'un qui n'est pas très sensibilisé sur les causes écologiques et qui ne connaît pas qui s'est pas trop posé des questions, qui a pas trop lu sur le sujet, il sait pas que l'écologie, effectivement, une transition écologique de nos sociétés peut effectivement créer beaucoup d'emplois et beaucoup de bien-être qui vient avec. Mais malheureusement, les gens le savent pas et on n'a pas les moyens de communiquer massivement sur ce sujet. D'autres questions, réactions sur le Notre-Dame-des-Landes? D'ailleurs, je viens de penser, en fait, à 18h, on fera une boîte à questions aussi sur l'écologie. Du coup, si vous pouvez, parce qu'on n'a pas de questions sur l'écologie, du coup, donc si vous voulez poser votre question et la mettre dans la boîte pour 18h, bah, voilà, n'hésitez pas. Il n'y a pas encore de papier, mais on va vous préparer ça. Voilà, donc s'il y a d'autres... Ouais. Moi, je veux bien rebondir sur le sujet de monsieur, sur la violence à Notre-Dame-des-Landes. Je pense qu'on se dirige tout droit vers ce qui s'est passé à Sivens, avec Rémi qui est malheureusement décédé, où le gouvernement cherche malheureusement à provoquer les activistes qui sont présents là-bas. Et pour revenir sur tout ce qui est formation, il faut aussi savoir que sur la ZAD, il y a des zones de défense qui sont faites, où il y a des activistes qui seront prêts le jour J à intervenir si les forces de l'ordre viennent les chercher, quoi. Malheureusement, oui. En fait, comment répondre à la violence de l'État autrement que par de la violence, c'est tout le problème de l'activisme, enfin du militantisme et de comment dire, du militantisme pacifique. C'est-à-dire quand il y a des CRS qui viennent et qui délogent, qui expulsent des gens, comment déjà ne pas se laisser faire parce que il y a des gens qui habitent sur place et qui n'ont pas envie de partir. Et voilà, c'est tout le problème de l'action non violente ou non violente. Est-ce que c'est légitime ou pas de répliquer? De toute façon, c'est des bâtons contre des fusils. Enfin, on peut pas tirer sur un TRS, on peut pas tirer sur un CRS, on peut pas tirer à coup de flashball, on peut pas gazer un CRS. Le rapport de force n'est pas du tout équilibré en fait, quoi. Oui, alors cette question de rapport de force, je pense que justement il y a un rapport de force qui peut se créer, qui se crée actuellement là au moment où on est en train de parler. Quand même, on a des dizaines de milliers de gens qui sont venus avec des bâtons. Quand on vient avec un bâton à un lieu une fois, ça veut dire qu'on est tout à fait en mesure d'y revenir avec deux bâtons. Et je pense que je sais plus combien il y avait eu de personnes la dernière fois. Je crois que c'était 60 000. Enfin bon, 50 000 personnes avec des bâtons. Là, il faut le rafale, quoi. Il faut des chars de guerre et des choses comme ça. Donc le rapport de force, il se crée avec le nombre. Et il se crée pas avec des armes sophistiquées. Ça, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que les grands rassemblements comme ça de dizaines de milliers de personnes, ça dure qu'un temps, malheureusement. Après, les gens rentrent chez eux parce que, voilà, et restent sur place 100, 200, 300 personnes. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les gendarmes, ils en profitent pour expulser. Et c'est beaucoup plus facile quand il n'y a plus personne, en fait, sur place. Et c'est malheureusement ce qu'on craint, en fait, une expulsion manu militari de la ZAD, vu que les travaux sont prévus pour le début de la semaine prochaine. Voilà. Et c'est peut-être utopiste ce que je veux dire, mais est-ce qu'il y a des projets de dialogue avec les CRS? Parce que sous l'armure, il y a un petit gueur qui bat. Et la partie molle qui va sous l'armure. Donc, est-ce qu'il y a des projets de discuter avec eux ou comme dit monsieur, on sort les bâtons, quoi? En fait, le dialogue, il se fait malheureusement pas trop avec les CRS qui sont là juste pour obéir aux ordres et ils le font et c'est très bien, c'est leur travail, etc. J'en mets pas ça en question. Non, le dialogue, il faut qu'il se fasse avec les élus locaux, il faut qu'il se fasse avec les grosses associations sur place, il faut qu'il fasse pression sur les habitants pour essayer de changer les choses et pour essayer de renverser en faveur du non à l'aéroport, enfin d'un arrêt total de la construction et d'un abandon du projet. Mais il y a toujours un dialogue entre les CRS et les manifestants, mais c'est pas avec eux que les militants doivent et peuvent dialoguer en priorité, je pense. Juste pour ajouter, on voit ici dans les manifs qui concernent tout le monde, le dialogue n'a pas réussi. Donc à Notre-Dame-des-Landes, où c'est quand même un sujet très spécifique, ça ne concerne pas toute la société. Je veux dire, ça concerne toute la société, mais c'est plus difficile à imaginer que les CRS, tout d'un coup, ils désobéissent. Et voilà, je ne sais pas. Ça, ce serait idéal, hein, mais est-ce que c'est plausible ? La question, c'est est-ce que le dialogue a pas réussi ou est-ce qu'il a même pas été essayé, quoi. Et question désobéissance civile, il y a des personnes qui sont sur la place et pourquoi pas des CRS ou un civil, on ne sait pas. Bah en fait, ça s'est déjà produit dans d'autres manifestations. Entre autres, il y avait eu le rassemblement pour José Bové, où il peut y avoir un dialogue avec les CRS, avec les forces de l'ordre, tant qu'ils n'ont pas reçu leurs ordres. Après, ils ont reçu leurs ordres et ils obéissent. S'ils se mettaient à désobéir, très sincèrement, on aurait un très gros problème également, parce que là, on arriverait dans une situation qui nous rapprocherait de la guerre civile, et c'est pas une bonne idée. Ouais, il y a un tour de parole. Et puis juste un petit point technique, je sais pas trop comment ça se passe à Notre-Dame-des-Landes, mais enfin j'ai entendu quand même que beaucoup de CRS, les équipes, ça tourne beaucoup aussi, donc les gens, enfin eux-mêmes, ils sont pas, je sais pas, à Notre-Dame-des-Landes, s'ils restent longtemps sur place, ça tourne aussi, donc voilà, ils ont pas grand intérêt à se formaliser pour ça. Oui, bonjour, je suis désolée, je sais pas si ma question est pertinente, mais vis-à-vis de Notre-Dame-des-Landes, il me semblait qu'il y avait eu un référendum qui avait eu lieu. Du coup, je voulais connaître votre positionnement. Est-ce que finalement vous reconnaissez les résultats? Et finalement, vis-à-vis du démantèlement, j'imagine, à venir, quelle est votre position? Enfin, est-ce que vous respectez ce choix? Et du coup, vous acceptez du coup de vous retirer d'un point de vue démocratique parce que la question en effet a été posée et il semblerait que la population soit plutôt en faveur du coup de cet aéroport. Ou comment vous vous positionnez par rapport à cela? Le référendum, pardon, je vais faire l'épisode, la consultation juridique, pas de souci, qui n'a aucune valeur juridique, a été simplement organisé pour permettre de légitimiser le projet. Il a été organisé à l'échelle du département. Déjà, c'est totalement biaisé. Évidemment, je reconnais, il y a 55% de la population du département qui est en faveur du projet. Ça, on ne peut pas remettre en question. Je ne vais pas commencer à dire qu'il y a du trucage parce que j'en sais rien et je ne veux pas rentrer là-dedans. Par contre, sur l'organisation... géographique, enfin sur la répartition géographique, c'est totalement biaisé. On ne demande pas, pour un projet d'ampleur nationale, on ne demande pas à la population d'un seul département d'être consultée. Ou alors, c'est déjà une aberration en soi. Donc c'est à partir de là qu'on peut remettre en cause cette consultation juridique qui a permis au gouvernement de dire ok, les habitants sont pour, allons-y et accélérons les étapes qui mèneront au début des travaux, quoi. Donc moi, cette consultation juridique, j'ai extrêmement sceptique parce que c'est pas du tout légitime. Et non, je le reconnais pas parce que pour moi, il a pas de légitimité parce qu'il a été organisé simplement sur un département et que c'est pas comme ça qu'on procède pour un projet d'ampleur nationale. Normalement, on consulte toute la population. Voilà. Alors, je me répète juste, ça n'a rien à voir, mais c'est pour tout à l'heure à 18h, si vous avez une question dans la tête sur l'écologie, pour mettre dans la boîte à questions, faites-moi signe et je vous passerai un petit papier stylo, ça nous sera bien utile tout à l'heure, voilà. Je voulais juste rebondir sur ta question et en ce que disant, je pense aussi qu'au niveau du vote, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que les habitants aussi n'ont pas forcément voté pour l'aéroport, mais pour l'évacuation, parce qu'il y a eu, des soucis. Donc je pense qu'il faut remettre un peu le vote dans un contexte d'extrême tension sur place. Il y a eu aussi un vote un peu contestataire des habitants, mais pas du tout sur le projet en lui-même. Je pense qu'il y a vraiment un consensus au niveau du projet qui est totalement aberrant, qui est basé sur des profits financiers de lobby. Moi, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'au niveau du vote, pour répondre à ta question, à mon avis, il y a aussi ce facteur qui a été pris en compte par les habitants qui ont une espèce de ras-le-bol, qui sont peut-être même contre l'aéroport, mais qui ont un espèce de ras-le-bol, je pense. Et il y a eu ça aussi, je pense que ça a joué. Après, je suis aussi d'accord avec ce que dit Gaël hein, sur la légitimité du vote, mais voilà, je voulais juste ajouter ça, quoi. Ouais, et pour poursuivre, en fait, je crois bien qu'actuellement, l'aéroport, il est au sud de Nantes. C'est ça. Et le prochain est au nord. Et en fait, il faut prendre en compte que tous les habitants qui habitent au sud de Nantes, qui sont à côté de l'aéroport actuel, seront très contents que l'aéroport aille au nord. Et ça, ils le savaient. Enfin, je pense qu'ils le savent aussi. Les gens, c'est normal. Ils ont pu. Enfin, si l'aéroport évacue du sud de Nantes, ceux qui habitent au sud de Nantes seront très contents, quoi. Donc voilà. Vas-y, si vous avez des. Vous voulez réagir déjà ou. C'est ça ? Vas-y. Oui, alors aussi, moi je trouve ça assez facile, le référendum, parce qu'on dit, on appelle ça un référendum dans les médias, alors que c'est une consultation, mais on nous dit le référendum organisé par le gouvernement. C'est génial, c'est-à-dire que notre gouvernement organise des référendums. Ce qu'on voit avec le référendum, avec ce référendum entre guillemets de notre au sujet de l'aéroport, c'est qu'en fait le gouvernement n'organise des référendums que quand il est certain, quand il a placé tous ses analystes politiques pour s'assurer que dans tel périmètre il va pouvoir gagner. Voilà, si on avait un gouvernement qui était si attaché que ça au référendum, à la légitimité des référendums, eh ben on aurait peut-être eu des référendums depuis... Bon, je sais pas quand est-ce qu'on a eu un référendum depuis 2005. Oui, un par mois, mais même sur des questions où ils savent qu'ils vont gagner, mais non. Les référendums, ce gouvernement qui organise des référendums, je trouve que c'est un petit peu une blague. Et après, parler de démocratie, là, je trouve ça même quasiment insultant. Parce que quand on fait de la démocratie, on essaie d'être un tant soit peu, comment dire, honnête, d'avoir eu voilà, on fait pas de la manip, et après on appelle référendum, on demande à tous les éditorialistes, à tous les médias de dire référendum, c'est pas un référendum, c'est une consultation, voilà. Merci. D'autres réactions ou questions sur Notre-Dame-des-Landes ou... Notre-Dame-des-Landes, voilà. Ou rien du tout. Non ? Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Après, je vais en avoir 5 d'un coup, je suis sûr. Voilà. Tout à l'heure, je me suis exprimé en disant qu'il fallait une action violente, mais il faut faire attention. C'est une action plutôt déterminée, plutôt. Je change de mot. Une action violente, c'est une action déterminée, une action dans l'endurance, une action, comment dire, une farouche opposition. C'est plutôt ça, plutôt. C'est là qu'il faut mettre le paquet pour faire comprendre aux hommes politiques que leur magouille, on n'en veut plus. Et s'ils ne prennent pas conscience de ça, un de ces jours, on va renverser la table. Et là, ils s'en apercevront de rien du tout. Alors là, ils ne vont pas savoir ce qui va leur arriver. Hein. Moi, personnellement, je suis de droite. J'ai même voté Sarko en 2012. Mais si ça pète, la révolution pète, ça viendra de la droite, j'en suis sûr. Oui, c'est incroyable. Et oui. Et je crois que la gauche devra automatiquement nous emboîter le pas. Ça, c'est sûr et certain. J'ai toutes sortes de contacts autour de moi qui disent que de ce côté-là, ça barde sérieusement. Oui. Moi, j'avais envie de répondre. Pour répondre rapidement, en fait, je pense que la majorité des gens situés à droite sont en faveur de l'aéroport puisque ça représente une source entre guillemets d'emploi, alors que c'est faux, que ça représente une augmentation du trafic aérien, c'est super, on va consommer plus de pétrole et dire que la révolution écologique viendra de la droite, je peux pas le dire, j'arrive pas. Le capitalisme de droite, pour moi, c'est un... Moi, j'ai une question pour vous, en fait. Est-ce que vous voulez dire quand la droite sera au pouvoir, la révolution va venir parce que ils vont accentuer la détermination des gens? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire plutôt? Ou que... Ah, d'accord. Ok. En tout cas, une révolution qui viendrait par la droite, ça me fait penser à une autre révolution. Du coup, je ne sais pas si ce serait bon, en fait. Je ne sais pas. Pour revenir sur l'aspect destruction écologique de la construction de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'un aéroport est dévastateur pour l'environnement au-delà de sa construction et des installations qu'il a. Parce que quand il y a des avions qui doivent circuler à très basse altitude sur une zone, il faut bien comprendre qu'ils sont obligés d'éliminer dans un vaste périmètre autour de l'aéroport toute la faune avienne. Parce qu'un oiseau est un danger mortel pour un avion. Et donc, ça va être dévastateur. Et donc, déjà qu'il était aberrant, qu'il était inutile. On nous parle aujourd'hui de réchauffement planétaire, donc on nous propose une solution pour augmenter la consommation de carburant. On est en train de réfléchir, pas que nous, au sein du Debout, mais aussi officiellement, le gouvernement qui est censé chercher des alternatives au problème de consommation d'énergie. Donc on propose d'avoir plus d'avions qu'il va falloir construire. Et en plus, on propose une solution qui va ravager complètement une zone qui est encore, pour la France, ensauvagée. Et il n'y en a plus beaucoup, des zones ensauvagées en France. Oui, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue avant, un peu plus générale, sur le lien de l'écologie et du système économique qu'on a actuellement, c'est que c'est très contradictoire. Donc, quand les politiciens, et par exemple à la COP21, tout le monde a dit oui, et bientôt la COP22, oui, on est pour prendre des mesures contre le changement climatique, etc. Quand ils continuent à être dans cette politique de croissance, de développement économique, etc., c'est nécessairement contradictoire. Donc, c'est pour ça qu'on a dit avant qu'il faut un peu remettre en question, pour ceux qui n'étaient pas là avant, le système productiviste actuel. Oui, je vous l'avais dit, j'en ai déjà quatre. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse et pour rebondir à ce que tu disais par rapport au désastre écologique de l'aéroport. Et je voulais aussi rajouter que c'est aussi qu'on laisse un peu à Vinci une concession de 50 ans, je crois, au niveau après la construction de l'aéroport, au niveau des profits. C'est suite à la privatisation de plusieurs aéroports en France qui ont été faits là ces dernières années. Et là, Nantes, c'est vraiment dans la lignée de ça. Donc, bien sûr, le désastre écologique, mais en plus, vraiment... des lobbies financiers qui s'accaparent un peu le ciel et puis les aéroports, quoi. Voilà. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur les liens justement et la contradiction qu'il peut y avoir entre notre système économique et puis ces enjeux environnementaux et écologiques, il y a un très bon petit livre d'Antonin Potier qui est sorti en septembre, là, courant septembre, qui s'intitule « Comment les économistes réchauffent la planète ». Et en fait, il explique très bien, il décortique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il est notamment soutenu par de nombreux économistes, pour le coup orthodoxes, donc qui, depuis des années, utilisent ces modèles. Et lui, en fait, repart des hypothèses et montre toutes les contradictions internes entre justement, cette logique, cet agent représentatif qu'on a défini comme étant un homo economicus, cette croyance qu'on a également d'une croissance qui est infinie et qui, bon, après, c'est des questions techniques au regard notamment des politiques d'évaluation économique, au regard du taux d'actualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, le taux d'actualisation fait que, quel que soit le projet, la valeur des dommages environnementaux futurs sont égales à zéro. Donc voilà, et tout ça c'est la logique économique qui est derrière et il montre très bien justement ces contradictions. Donc je pense que si on pouvait aussi nous s'intéresser un petit peu à ces questions et le relayer même d'un point de vue un petit peu technique, ça pourrait peut-être faire avancer les choses. Mais en effet, je pense que finalement, si on veut vraiment essayer de répondre à la question, il faut qu'on remet en question les bases de notre système économique actuel. Ça c'est... Ben, peut-être j'en profite un peu, vu que je vois beaucoup de nouvelles têtes qui n'étaient pas ici au début du débat. En fait, nous, on est de la commission écologie de Nuit Debout, et donc on a discuté un peu à l'introduction de ce débat que l'écologie est en fait quelque chose qui touche à tous les, qui touche beaucoup à l'économie. Et à plein d'autres choses, et que c'est vraiment transversal. Là, on a abordé plus spécialement Notre-Dame-des-Landes, c'était le sujet, mais effectivement, tout ça est couplé et il faut avoir une approche beaucoup plus globale et il faut remettre en question notre mode de vie, etc. Voilà, et l'écologie, c'est bien évidemment pas juste le recyclage et manger bio, voilà. C'est vrai qu'en termes de cohérence, alors je ne suis pas là depuis le début, mais j'ai cru comprendre que vis-à-vis du projet Notre-Dame-des-Landes, vous seriez pour une lutte pour éviter justement le démantèlement du camp. Et moi, ce qui me pose un tout petit peu problème en termes de cohérence du projet, c'est que finalement, s'il y a eu en effet ce cette consultation publique, d'accord, où on a quand même, finalement, on peut quand même remarquer que c'est une avancée au niveau démocratique, parce qu'on cherche quand même à consulter les gens et pas uniquement les lobbies, les parlementaires. Et bon, je vois que vous n'êtes pas d'accord, je peux le comprendre, mais moi, je trouve que c'est juste, je trouve ça juste un petit peu peut-être dangereux. Quand justement on a ces petites avancées, en effet c'est de la politique de petits pas, mais de toute façon ça passera pas du jour au lendemain, je vais attendre vos réponses, mais que justement vous preniez le risque, malgré cela, malgré cette décision, de se dire on va passer outre et puis on va continuer à résister coûte que coûte. Vous voulez réagir, non? Ouais. Juste très très rapidement rappeler ce qui a été dit avant et ce qui est très très important. Le périmètre a été choisi de telle manière pour assurer que le résultat ce sera positif. Si le périmètre était plus petit, il serait négatif. S'il aurait été plus grand, il serait négatif. Donc ça, c'est une chose très importante. Et plus la propagande qui a été faite dans les médias pour l'aéroport. Donc ce n'était pas du tout une consultation ou un référendum qui a vraiment voulu récolter l'opinion publique. Non, ils ont exprès fait ça pour légitimiser le projet, tandis que de tous les côtés, les experts, l'Union européenne disent que non, le projet c'est une aberration. Mais par contre, il y a eu des rapports qui disent que ce n'est pas une chose qui doit être faite. Donc voilà, on ne peut pas se dire qu'on légitime ça parce que juste il y a eu des gens qui ont été votés oui. Ouais, du coup, je te laisse parler, elle n'a pas encore parlé. Oui, c'est exactement. Sur le référendum, bon, il n'a aucune légitimité réelle. Par là, si la réponse aurait pu être non, jamais l'exécutif aurait organisé un tel référendum. C'est que naturellement, il a été fait pour que ce soit oui. Et je pense qu'au-delà de simplement l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ce qui est important dans le fait de lutter contre le démantèlement du camp qui est sur place, c'est que au-delà de ça, depuis plusieurs années, il y a une vraie société, une micro-société qui s'est recréée autour de ça. Il y a des vraies alternatives qui sont en dehors du système capitaliste, thermo-industriel, etc. Et je pense que c'est aussi qui est majeur, au-delà même de l'aéroport lui-même, des logiques écologiques, etc. C'est que autour de ça, maintenant, il y a une vraie micro-société qui s'est recréée sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est aussi ça qui est majeur là-bas, c'est ça qui a protégé. Au-delà du fait du simple aéroport, même si l'aéroport ne se faisait pas au final, cette micro-société-là, on dit que l'écologie, ça se fait par petits pas, etc. Et c'est à nous de recréer une nouvelle société. Aujourd'hui, c'est un vrai contre-modèle de société qui n'est pas la logique habituelle, capitaliste, thermo-industrielle, consumériste, productiviste, qui s'est recréée là-dessus, qui est de solidarité, etc. Et c'est aussi ça qu'il faut préserver. Et c'est finalement le plus important dans la lutte contre le projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est la protection de ce nouveau modèle alternatif. Juste pour rebondir, mais je comprends ton interrogation par rapport au non-respect de la consultation publique. Mais alors si on va dans ce terrain-là, les politiques, c'est quand ça leur arrange. Parce que il y a quelques années, on avait fait un référendum européen. Tu sais, voilà, ça n'a rien à voir avec l'écologie. Mais les Français avaient voté contre, mais les politiques sont passés outre. Donc après, que les politiques ne viennent pas nous dire, ah, vous voyez, la consultation... Tu vois, c'est dans un sens comme dans l'autre, enfin, c'est mon avis, hein, mais je comprends ton interrogation. Mais alors dans ce cas-là, on peut vraiment aller, on peut en débattre, quoi, tu vois. Ah bon ? Du coup, t'as plus rien à dire. Bon, mais du coup, oui, c'est... Mais actuellement, il y a un combat qui est planétaire à l'échelle écologique. Hein. Il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes, hein, c'est l'échelle mondiale. Et moi qui voyage beaucoup, je fais partie de Médecins du Monde, que j'aille à Bangladesh, partout, je vois ce qui se passe. Il y a actuellement, les gens ont pris conscience que l'écologie, pour eux, c'est quelque chose de fondamental. Et tout à l'heure, je parlais de la droite qui déclencherait Il n'est pas question de droite ou de gauche. Dans mon entourage, je vois des gens qui ont même voté Sarko, qui sont de droite, et qui l'ont plein le dos, et qui veulent tout péter, mais ils ne savent pas comment en faire, parce qu'ils n'ont pas, on n'a pas été éduqués comme ça. Alors, ils voient les manifestants de la télévision dans la rue, ils se disent « Ah, oh mon Dieu, ah, ils sont courageux !» Et puis toi, alors, t'as le cul dans ton fauteuil, qu'est-ce que tu fous? Ils n'ont pas été, l'éducation. Mais alors moi, dans mon entourage, j'essaie de les réveiller. Et ma sœur, qui a épousé mon beau-frère, elle a fait Stanford, et il conseille les PDG dans les placements boursiers. Alors, vous voyez, et Florence, elle me dit « Putain, Bruno, il faut tout faire péter », elle me dit. Elle est à Luxembourg, elle a dit « Il faut leur faire comprendre ». Et Florence, elle est marrante parce qu'elle milite maintenant. Voilà, donc c'est ça, maintenant il faut pousser les gens de droite, c'est ce que je fais, à descendre dans la rue, à faire quelque chose, et ça marche. Est-ce que vous votez J'ai entendu la question. Oui. Oui, je voulais juste te dire un truc au sujet de la prise de conscience générale de l'importance de l'écologie. J'ai l'impression, ça s'est déjà un peu amélioré parce que j'entends plus trop parler de moins en moins de réchauffement climatique et plus de changement climatique, ce qui déjà fait plaisir parce que le changement climatique c'est pas juste qu'il fait plus chaud, c'est vraiment tout un tas de phénomènes, l'intensification des phénomènes météorologiques, tout ça. Et ce que je pense que ce qui ferait grandement avancer la prise de conscience, c'est déjà quand les premières générations qui vont vivre en plein dedans, et par exemple toutes les conséquences respiratoires, je suis sûr qu'on va avoir les pourcentages de personnes asthmatiques avec des problèmes comme ça augmenter beaucoup, et qu'on va avoir nos propres enfants voir ça, forcément ça va foutre un coup. Mais avant d'en arriver là, c'est tout simplement d'arrêter de dire que c'est un peu peut-être débile, mais pauvre planète qui se réchauffe. La planète elle sera là genre des milliards et des milliards d'années après que nous on ait disparu, donc qu'on voit dans les journaux un dessin de la planète qui, oh, il fait chaud, genre, c'est pas la planète qui se réchauffe et qui est en danger, enfin, la planète, c'est un bout de caillou, quoi, dans l'espace, quoi. C'est nous, égoïstement, j'aimerais bien qu'on traite le sujet de manière plus égoïste encore et dire, c'est nous qui allons en chier, quoi. C'est nous qui allons en chier parce que les gens, ils disent, oh, la planète, on s'en fout, genre, on la dégomme déjà, quoi. Genre, on la déforeste, on exploite tout à fond, donc c'est pas en disant que la planète va mal que les gens... C'est les humains, quoi, et tous les autres êtres vivants, évidemment, hein, qui vont en pâtir. Donc je pense que faudrait peut-être changer de manière de communiquer ce problème-là au-delà de la planète, parce que c'est vraiment nous qui allons en pâtir. Bon, c'est... Ça peut paraître égoïste, c'est un peu, genre, auto-centré, hein, genre... Mais je pense que ça peut aider aussi à que les gens pensent au problème autrement. Il y avait, parce que du coup j'ai perdu mes mots. C'est justement pour ça qu'on défend qu'on ne défend pas justement des projets comme Notre-Dame-des-Landes, c'est parce que ces projets contribuent au réchauffement climatique, enfin au changement climatique, pardon. Et par l'augmentation du trafic aérien, on s'acharne à utiliser des énergies fossiles alors qu'on sait qu'elles sont finies. Enfin, c'est la finitude des ressources, c'est vraiment un problème urgent. Et je voulais dire aussi un petit truc sur la participation et l'engagement militant. L'engagement militant écologiste, il n'est pas réservé à une frange de gens à gauche ou de gens... Tout le monde peut se sentir concerné et participer et s'informer, se déplacer même dans les ZAD. En ce moment même, on demande de l'aide pour des chantiers, on demande de l'aide pour participer à la permaculture et tout ça. Donc c'est pas réservé qu'à des gens déjà engagés dans le militantisme, et c'est pas réservé qu'à des écolos. Voilà, petite parenthèse. Oui, je vais passer la parole, t'as pas encore parlé. D'ailleurs, c'est drôle, il y avait quelqu'un qui était juste à côté de toi avant et qui a dit exactement la même chose au début du débat. Il fallait qu'on arrête de dire de sauver la planète, peut-être sauver l'humanité, parce que la planète, elle s'en sortira très bien sans nous, en fait. Donc c'était un peu ce que tu disais. Alors moi, ce que je me demandais surtout, c'est est-ce que nos civilisations actuelles, est-ce que le peuple est vraiment prêt à lutter écologiquement? Quand on voit qu'il y a plus de monde, par exemple ici, on est une trentaine de personnes, je pense que tous ceux qui sont exprimés sont quand même plus ou moins d'accord que l'écologie est un vrai problème. Et quand on voit qu'il y a beaucoup plus de monde pour aller voir trois zombies se battre, qu'il y a plus de gens qui vont parler d'écologie, et qu'ici on est quand même plus ou moins d'accord. Est-ce qu'on est plutôt en train de parler dans des petits cercles fermés d'écologie, enfin on n'est pas fermé, mais des petits cercles où on est finalement assez peu nombreux dedans comparé à la population globale qu'on a en France. On est quand même plutôt peu à parler d'écologie dans un. Il y a plus de monde qui vont parler des zombies plutôt que de gens qui vont parler d'écologie. Et quand on est entre nous, on est quand même plus ou moins d'accord. Et donc est-ce que vraiment ce débat a une portée autre que changer nos idées entre nous? Et voilà. En fait, je pense quand même qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Même au niveau des médias les plus conventionnels, on commence tout doucement à parler d'écologie, même si on ne parle pas toujours de la bonne manière et si on ne fait pas des bonnes analyses. Mais ça commence un peu à résonner dans les oreilles des gens. Après, pour instaurer un peu l'idée correcte derrière l'écologie, ça va prendre un petit moment. Mais je pense que les gens commencent à se sensibiliser et c'est une bonne chose, petit à petit. Alors je fais toujours parler les gens qui n'ont pas encore parlé. Hein. Bonjour. Ma réaction par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que je ne suis pas une militante du tout. Je ne suis pas forcément écologique. Mais autour de moi, il y en a qui le sont beaucoup plus. Et que maintenant, je commence à faire attention à plein de petites choses. Et dans mon travail, je commence à en parler. Et je côtoie entre autres par exemple des gens qui sortent d'écoles du genre Subdeco, HEC, etc. Et quand je commence à leur dire, mais je sais pas, tu cherches un nouveau moyen d'habitation, as-tu entendu parler de l'éco-participatif? Ah non, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis ils vont chercher et je me dis, ça va prendre 10 ans a priori, hein. On change pas de mode de vie. Sa première réaction pour changer de métier, c'est « Ouais, mais il faut quand même que je gagne très bien ma vie. » Alors bon, ça va prendre un bon moment pour elle. Mais je pense que c'est aussi comme ça. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ce genre de débat d'habitude. C'est simplement parce que je suis passée sur la place que je suis là. Et au bout d'un moment, si, ça porte fruit, en fait. C'est vraiment tout petit, mais... ça marche finalement, hein. Au moins pour moi. Moi, je voudrais réagir à ce qui a été dit tout à l'heure sur la droite, l'écologie, etc. J'ai quand même, après ce qu'on voit aujourd'hui, j'ai quand même du mal à penser qu'on peut être de droite et être écologiste. En réalité, dans la pensée écologiste, elle est par nature anticapitaliste, par nature, il y a un désir de lutter contre ce système-là, donc par nature, elle est révolutionnaire. Après, qu'il y ait des gens de droite qui aient des petites pulsions révolutionnaires un petit peu de temps en temps, ça peut se comprendre, mais si c'est pour retourner voter Juppé, là, dans quelques mois, ou alors que, des fois, on a une Corinne Lepage, donc voilà, les écologistes réformistes, on voit que c'est un échec depuis les années 70, on a voulu un petit peu, si c'est juste pour vous dire dans un programme à la fin, faut fermer Fessenheim, il faut éviter de jeter les papiers par terre, voilà, j'ai du mal à croire en l'écologie réformiste ou voire de droite, donc par nature, l'écologie est révolutionnaire et anticapitaliste. L'écologie de droite, ça sonne un peu bizarre quand j'entends ça dans mes oreilles, ça fait mal à la tête un peu. Alors j'ai une réponse directe et après je vous passe. Et en même temps, une écologie de la gauche traditionnelle n'a pas grand sens non plus parce que ils basent tout sur le progrès et on voit que le progrès sans frein, sans conscience, ne conduit tout autant dans le mur. Donc ni droite ni gauche, mais autre chose quoi. Et oui, vous avez très très bien parlé, exact. Mais les gens de droite, comme vous dites, ils mangent, ils vivent. Et je redis ce que j'ai dit. Ils prennent conscience des problèmes qui sont autour d'eux, mais ils n'ont pas été éduqués à militer, à descendre. Ils ne savent pas quoi faire. Et c'est ce que j'entends autour de moi. Et moi, quand je vais à Luxembourg chez mon beau-frère et que je débarque avec le canard enchaîné où on dit le journal décroissance, il me dit, mais Bruno, t'es complètement taré. Il me dit, mais écoute Thierry, non. Et je parle avec lui, je dis, mais t'as raison. Maintenant, ma tâche, et nous sommes nombreux, c'est de pousser les gens de droite à descendre dans la rue. Mais quand ils vont le faire, ça va péter très fort, hein, c'est moi vous dire. Hein. Ouais, alors je passe un tour de parole et je vais passer mon tour de modération aussi à mon ami Jérôme. Voilà, et du coup c'est à toi. Merci. Je voulais juste dire quelque chose à propos de ce que vous avez dit du coup sur... vous n'êtes pas particulièrement écologiste et que vous commencez à prendre conscience, avoir des réflexes, tout ça. J'ai aussi, c'est une impression que j'ai, je ne sais pas si c'est vraiment fondé, mais j'ai l'impression aussi que beaucoup dans... Quand on parle d'écologie et que dans la société en général, c'est, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu culpabilisateur sur les citoyens individuellement. Genre évidemment, il faut que tout le monde s'y mette, il faut éteindre la lumière, couper le robinet, recycler les piles, recycler les cartons, tout ça. Mais j'ai l'impression que en ayant beaucoup ce débat-là, qui je comprends aussi important, chacun doit y mettre du sien, mais ça fait un peu culpabiliser chaque personne individuellement et ça fait un peu oublier que, enfin, si je sais pas si on compte, si on comptabilise. Qu'est-ce qu'on a fait vraiment en tant que citoyens tous individuellement, qu'est-ce qu'on a fait pour la planète? Je pense que ça, c'est peut-être 2% de tout ce qu'il y a à faire, et c'est surtout, et ça détourne le regard de, que en fait c'est juste les industriels, toutes les industries, tout ça qui doit faire des efforts, et nous on sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. On n'est pas du tout au courant de quelles sont les choses qui, s'il y a des choses en place pour des réductions d'émissions de gaz, de traitement des déchets, on ne sait pas du tout ce que les gros industriels, ceux qui polluent vraiment, donc c'est bien qu'on fasse tous des efforts en éteignant la lumière, en coupant le robinet, hein, mais ça détourne le sujet sur ceux qui polluent vraiment, ceux qui auront vraiment un impact sur l'écologie, quoi. Donc voilà, je voulais dire ça. Et je voulais dire aussi que voter Juppé, quelqu'un qui a quand même été condamné, je trouve ça quand même assez effarant. Genre, je sais pas qui parle de droite et tout. Genre, à la limite, Sarkozy, déjà que je trouve ça aberrant de voter pour lui, mais il n'avait pas été condamné. Juppé, il a déjà été condamné, c'est absolument fou. On va pas lancer ce débat-là, s'il te plaît, merci. Oui, je voulais intervenir sur est-ce que l'écologie, en fait, est de droite ou de gauche ou anticapitaliste, etc. Je crois que la question... Enfin, je suis à la fois complètement d'accord avec toi, et en même temps, elle est plus complexe que ça, parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire de l'écologie. Dès le début, finalement, l'écologie, c'est un peu comme le socialisme. Il y a plusieurs types de socialisme, y compris le national-socialisme. Et ben là, il y a plusieurs types d'écologie depuis le début. C'est-à-dire que depuis la création même du mot écologie, par Hans Kelsen en 1864, il y a trois familles. Il y a ceux qui sont purement environnementalistes, c'est-à-dire qui réduisent la question de l'écologie à la défense de la nature et de l'environnement, et même à sa conservation, c'est-à-dire que tout doit rester comme quand la Terre a commencé à exister. Et ça, il y a beaucoup d'écologies, y compris de droite ou d'extrême droite, qui reprennent cette idée. Il y a un deuxième type d'écologiste qui est né d'ailleurs... dès le moment de la création aux États-Unis des parcs nationaux, parce qu'il y avait des gens qui disaient bon bah faut que ces parcs soient comme ils ont toujours été, et puis il y en a d'autres qui ont dit eh bien il faudrait tirer quand même de la ressource, de la richesse de ces parcs, donc les développer de façon durable. Donc ils n'avaient pas le mot développement durable, mais ils l'ont eu une centaine d'années après, et c'est la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que le développement durable, c'est d'arriver à exploiter les ressources de façon plus durable que ce qui s'est fait pendant la révolution industrielle. Et là, on trouve une grande partie des écologistes libéraux, qu'ils soient à droite ou à gauche d'ailleurs, ou même chez les Verts. Et puis, il y a une troisième écologie, qui est une écologie plus invisible, qui est une écologie de transformation, alors que certains... ici vont appeler écosocialisme, d'autres écologies populaires, d'autres écologies sociales, et qui part du rapport entre la nature et les humains en disant que c'est les deux qui doivent être défendus, et qu'il faut que les invisibles, que ce soit d'ailleurs les animaux, les plantes, mais aussi les pauvres, soit au premier plan dans cette écologie sociale. Et celle-ci, elle n'est pas représentée politiquement, notamment en France, parce que l'écologie telle qu'on l'a construite, telle qu'on l'a connue, s'est construite à partir non pas de lutte, soit contre l'extractivisme comme dans les pays du Sud, soit de préoccupations populaires, mais de changements dans les modes de vie d'une certaine génération, d'une certaine classe au capital culturel aisé, etc. Et donc La question, c'est comment arriver à faire apparaître cette nouvelle écologie que moi j'appelle l'écologie sociale, quoi. Hein, voilà. Et qui est évidemment anticapitaliste. Mais... Vous voulez répondre ou pas? Non, d'accord. Fais tourner la parole alors. Bah attends, il y avait. Toi, tu voulais répondre, monsieur? Non, il y avait toi qui voulais parler. Et moi, je voulais juste vous dire, madame, merci pour votre témoignage, parce que c'est ça qu'on cherche vraiment à Debout Éducation Populaire. Des gens qui passent et qui disent ce qu'ils ont vécu, et voilà, très important. Je voulais revenir sur un point par rapport au réchauffement climatique, ou plutôt au dérèglement climatique. La Terre, depuis qu'elle existe, a connu de nombreux bouleversements climatiques. Hein, les archéologues et les paléontologues ont même pu les évaluer par un énorme travail de fouilles et de recherche. Et à chaque fois, ça s'est traduit par ce qu'on appelle une extinction massive. Pas encore une extinction globale, mais une extinction massive d'espèces. Et l'environnement, l'écologie de la planète, à chaque fois, pour se construire, a mis plusieurs milliers, voire même suite à certaines phases, plusieurs centaines de milliers d'années pour se rebâtir. Alors, la Terre va s'en remettre, hein, le monsieur l'a dit tout à l'heure, mais nous, en tant qu'humains, on n'a pas une centaine de milliers d'années pour reconstruire notre environnement une fois qu'on l'aura détruit. Et justement, comme bouleversement climatique, c'est la première fois dans l'histoire de la planète qu'elle est liée à un facteur purement lié à une espèce vivante, l'homme, qui a entrepris de tout démolir, pas simplement par ses émissions de polluants, mais aussi en détruisant la biodiversité, en imaginant d'énormes surfaces agricoles où ne survit qu'une seule espèce. Donc, en cas de changement climatique majeur, cette espèce, elle est foutue, et toute cette zone est dévastée parce qu'il n'y a plus de possibilité de recréation écologique. En fait, on est l'enjeu écologique actuel, c'est pour l'espèce humaine, c'est faut s'enlever le couteau qu'on a sous la gorge. Ouais, sur l'histoire de l'écologie, je pense qu'il faut aussi quand même commencer à retenir les leçons de l'histoire, dans le sens où je pense que l'histoire de l'écologie est quand même marquée par des échecs, et la seule grande victoire de l'écologie politique, c'est d'avoir commencé à mettre dans les esprits cette notion de développement durable. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte tout simplement que le développement durable, ça n'existe pas, il n'est pas possible. Le grand mythe de comment continuer le progrès, on va tous avoir des télés, etc. Mais pas de problème, on va quand même faire en sorte, c'est pas possible. On a déjà perdu, et même les notions, enfin, il y a 30 ans, même de décroissance, on a déjà perdu. L'environnement, il est déjà en train de s'effondrer. L'effondrement a déjà commencé depuis les années 70 déjà. C'était le moment où on avait encore une chance de protéger encore cet écosystème. Aujourd'hui, c'est terminé. Maintenant, même la décroissance, il faut même à s'arrêter d'en parler. La seule solution qui nous reste, c'est d'essayer d'imaginer un monde et des structures politiques et des structures de décision qui seront pendant ce cycle de chute, parce qu'on peut parler de fin du capitalisme, etc. Le capitalisme, quoi qu'il arrive, c'est pas nous qui arriverons à le tuer, c'est l'environnement lui-même. Il est par nature autodestructeur, et dans les années à venir, on va observer tout ça. Faut juste penser à créer un monde derrière, après cette période consumériste, etc., qui sera de respect et que de respect de l'environnement et démocratique, etc. Au moment de la chute de notre société actuelle et des structures politiques qui seront emmenées par la chute de l'équilibre environnemental, eh ben, il faudra juste créer des structures qui ne seront pas... Parce qu'aujourd'hui, le chemin qu'on prend, c'est que quoi qu'il arrive, on sait que cet environnement et cet équilibre va s'effondrer. Pour l'instant, ceux qui vont récupérer et tirer parti de cet effondrement, ce n'est pas nous, ce n'est pas les peuples. Pour l'instant, c'est soit les nationalismes, soit les classes bourgeoises qui vont encore plus s'enrichir sur le dos de tout ça. C'est pour ça qu'ils ne font rien pour lutter contre le dérèglement climatique ou l'effondrement de l'équilibre environnemental. C'est parce que finalement aujourd'hui c'est eux qui vont le plus tirer parti de tout ça, et dans cette crise sociale, crise environnementale qui va arriver, la question c'est plus d'essayer de faire un peu de décroissance, etc. C'est trop tard, on a perdu cette bataille là, il y a 30 ans c'était encore possible, aujourd'hui c'est plus possible. Il faut essayer, je pense, d'imaginer quelque chose qui est nouveau, de structure et démocratique dans le monde post-industriel, et les 100 ans qui vont venir vont être consacrés à ça, parce que quoi qu'il arrive, cette société, bah, elle est déjà en train de s'effondrer en fait. Merci, par contre là maintenant on va y aller. Nous aussi on passait un peu par hasard. Je voudrais juste dire que je suis très heureux. Je savais pas que ça continuait encore Nuit Debout. J'avais participé à Nuit Debout avant l'été et on est passé vraiment par hasard et voir que ça continue, c'est très beau. En plus aujourd'hui il y a 40 000 personnes à Notre-Dame-des-Landes. C'est magnifique, c'est un peu émouvant de voir tout ça. Et même si on n'est pas super nombreux, c'est le renouveau de quelque chose. Alors merci, c'est cool. Et puis on continue le combat. Oui. Vous voulez juste rajouter un... Enfin, nous, en France, en Occident, on peut à peu près faire dire à peu près ce qu'on veut sur l'écologie. Ça changera, à mon avis, ça ne changera pas au final grand-chose quand on voit ce qui se passe dans les pays qui se développent de plus en plus vite, comme l'Inde ou la Chine. Ou par exemple, aujourd'hui, enfin, il y a des études, enfin, des chercheurs américains ont démontré que le Chinois moyen en 2050 consommera autant que l'Américain moyen de 2006. Et qu'il faudrait actuellement, enfin, qu'il faudrait 100% des ressources, même plus de 100%, je crois, des ressources en énergie qu'on exploite déjà pour que ça arrive. Est-ce que c'est possible? Non. Et est-ce qu'on peut empêcher les Chinois de se développer? Nous, je pense pas. Donc au final, voilà. Donc au final, ça viendra. Je pense que le principal problème vient pas de nos pays. Je pense principalement, enfin, c'est pas la faute est sur nous, mais le problème qui viendront, je pense, des pays qui se développent et qui émergent. Merci. Vous voulez réagir à tout ce qui a été dit là ou pas? Non mais il y a déjà des prises de parole, donc il y a des tours de parole. Donc il y a lui, toi t'avais levé la main, donc après je vais vous passer le micro, toi et toi. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de... Alors je vais commencer par la parenthèse qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire que Nuit Debout ne s'est jamais arrêté, déjà ça c'est dit. Et on est éducation populaire, on est un petit bout de Nuit Debout en fait, on n'est pas Nuit Debout, mais j'aime beaucoup quand les gens ils disent qu'on est Nuit Debout. On est un peu fiers pendant deux secondes. Je voulais dire en fait, alors moi j'ai pas suivi tout ce qui s'est dit, donc c'est toujours un peu compliqué, mais je vais vous faire partager une expérience. Je vais profiter qu'Adèle soit pas là pour parler un peu de moi, comme ça elle m'engueulera pas à côté. Moi c'est assez rigolo parce qu'en fait je suis arrivé, je pense mon parcours de militant en fait il est arrivé en premier avec un combat écologique. Et en fait je m'en rendais pas bien compte à l'époque. C'est à Vaujours dans le 93 en fait, vous avez une usine qui s'appelle Placoplâtre, qui est une des plus grosses usines d'Île-de-France, qui a été agrandie il y a pas longtemps avec Nicolas Sarkozy qui est allé en grande pompe fanfaronner. Et en fait c'est charmant, Placoplâtre en fait il voulait raser la forêt qui était en face de l'usine pour pouvoir tout simplement produire du plâtre. Et on était à l'époque, c'est une ville qui s'appelle Couvron, il y avait une espèce de petite bande de militants un peu improbables en fait qui s'est opposé aux gros envahisseurs. Je vous la fais un peu à la version Astérix, mais c'était tout à fait ça à l'époque. Et en fait, on a eu même un reportage à envoyer spécial, c'était assez rigolo. Et moi, tous les week-ends, en fait, je me retrouvais dans une cabane au milieu de la forêt avec des gens en train de prendre des apéros juste avant les manifs et juste après les manifs. Et pour la petite histoire, en fait, ils ont gagné le combat. C'est-à-dire que, alors, à moitié le combat, parce qu'en fait, ils ont un placoplâtre à extraire sous le sol, mais à garder la forêt intacte par-dessus. Et depuis, en fait, on a gardé cette espèce de cabane, c'est un espèce de sanctuaire avec une plaque. Et c'est vrai que du coup, c'était assez rigolo, quoi, quand vous êtes gamin et que vous êtes au milieu de tout ça, en fait. Vous voyez juste la forêt, vous voyez juste les copains. Et en fait, quelques temps après, vous devenez militant et vous comprenez un peu plus en fait ce que faisaient vos parents. Et malheureusement, pour la petite histoire, il y a un an, Placoplâtre est revenu à la charge contre cette forêt en fait. Et c'est très compliqué parce que, bien évidemment, maintenant ils mettent en face l'emploi. Et face à l'emploi, c'est compliqué de se battre en disant ouais, mais on va créer des emplois. Alors entre guillemets, vos arbres. Qui servent juste à faire de la randonnée le week-end ou à faire du vélo, finalement on s'en fout un peu parce qu'on a besoin d'emplois en France. Et c'est l'une des grosses difficultés. Il y a un groupe qui s'est recréé, mais c'est compliqué parce que je vous parle de ça, je devais avoir 10 ans, j'en ai 32 aujourd'hui, donc ça fait déjà un petit peu longtemps. Donc imaginez-vous pour remotiver les gens, et je suis pas sûr que tout le monde de l'époque soit encore de ce monde malheureusement. Et j'ai aussi un exemple en tête que je voulais vous faire partager en discutant avec des copains de chez Renault en fait. Ils nous disaient c'est très compliqué de parler écologie à Renault et parler écologie à des ouvriers. Parce qu'aujourd'hui en fait les ouvriers, eux ils font les voitures, c'est leur gagne-pain, c'est leur salaire. Et dès qu'on leur parle à l'écologie en fait ils ont peur. Ils se disent ouais mais ça va nous bouffer nos emplois. Et finalement, c'est très très compliqué d'amener cette discussion, en tout cas chez Renault, et je suppose chez les autres constructeurs, je vois pas pourquoi ça serait pareil. Et voilà, je voulais partager un petit peu ces différents échanges. Je suis super content qu'on ait fait quelque chose avec Ecologie Debout. Voilà, je voulais le dire aussi. Hier, on a parlé de vous, puisqu'on a parlé des biens communs, et notamment de l'eau. Et j'ai dit, je n'ai pas de solution, en fait, comment aujourd'hui on peut dépolluer la flotte qu'on a polluée. Et il y a quelque chose qui m'a, et je voulais vous le dire, qui m'a fait sourire. C'est notre Adèle internationale avec du pop qui m'a dit, mais c'est vrai qu'en fait, je me rendais pas compte qu'on a niqué, en fait, la planète au fur et à mesure. Et qu'aujourd'hui, en fait, il faut déniquer, entre guillemets, c'est pas très beau ce que je dis, tout ce qu'on a fait pour éviter, si on parle d'exemple de l'eau, qu'il y ait un filtrage, qu'on paye des factures d'eau tous les mois, ou alors qu'on mette de l'eau dans des bouteilles où on sait pas trop ce qu'il y a dans le plastique. Donc voilà, finalement, l'écologie, ouais, super important, et ça peut faire des militants, ça peut amener à d'autres choses, et puis voilà, je vais laisser le micro parce que je parle trop. Voilà, donc, là on est sur Notre-Dame-des-Landes, hein, je rappelle quand même le thème. Excusez-moi, c'était au monsieur. Bon, allez. Et ce monsieur vient pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Non, mais c'est oublié, oui. Ah, oui. Bon, moi, je ne suis pas un militant. J'ai passé avec ma compagne par ici. Et voilà. On peut dire ma façon de penser. Je ne suis pas militant de rien du tout. J'ai vécu ma jeunesse avec les anarcho-syndicalistes espagnols, les vieux qui avaient fait la révolution en Espagne, et qui racontaient comment en Espagne on a pu faire des expériences autres d'une autre société, d'une autre organisation sociale, complètement différente. Et pas une seule fois, des centaines de fois, ils l'ont fait dans des villages avec des gens de toutes sortes. Puis, maintenant, je suis en France. Et je me dis que c'est ici que je dois réfléchir et que je dois penser. Simplement dire que ce que se passe au Notre-Dame-des-Landes actuellement, et regarder du monde entier, et regarder, et ça c'est quoi qu'il faut le souligner, et regarder comme une expérience différente, comme quelque chose d'une société dont on a rêvé. Et ça, ce n'est pas du parlotage, ce n'est pas du blabla, c'est quelque chose qui est vrai, qui est une autre chose différente. Ça me rappelle un peu les expériences qu'ont fait les anarcho-syndicalistes espagnols. Ça me rappelle un peu, mais je ne sais pas, parce que je suis déjà trop vieux et je ne suis pas très bien renseigné. Merde, je ne sais pas ce que je voulais dire d'autre. Bon, ça y est, c'est fini. Merci quand même pour votre témoignage, c'est très bien. Donc pour revenir, enfin pas tout à fait sur Notre-Dame-des-Landes, mais sur le problème de la consommation des carburants, je voulais parler très rapidement du pétrole. Le pétrole, c'est une substance, c'est un déchet qui date de l'ère primaire. Quand au début de l'apparition de la vie sur Terre, il y a une énorme masse d'algues, essentiellement des cyanobactéries, des algues bleues, qui se sont développées dans l'océan, qui ont absorbé le CO2 et qui ont rejeté l'oxygène. À un moment donné, le taux d'oxygène est devenu suffisant pour permettre l'émergence d'une vie plus complexe sur Terre. Et donc, cette énorme masse de cyanobactéries, la plus grande partie de ces cyanobactéries sont mortes et se sont déposées au fond des océans. Et ça a dû représenter des couches gigantesques. Donc, c'est à l'ère primaire. Et la Terre, on va dire, la planète, a mis 500 millions d'années pour stocker et isoler ce déchet, pour l'isoler de l'environnement extérieur et le neutraliser. Et nous, parce que la planète a mis 500 millions d'années à isoler parce que c'était un toxique qui détruit, destructeur pour la vie, en deux siècles, on en a brûlé, on en a consommé à peu près 40%. Parce que quand on nous dit qu'il n'y a plus de pétrole, qu'on arrive au secours, à bout des ressources de pétrole, ce n'est pas tout à fait exact. Il existe encore de gigantesques réserves de pétrole, bien plus grandes que tout ce qui a été exploité actuellement, à très grande profondeur, sous les océans. Et le problème, c'est que pour exploiter ce pétrole, ça va coûter plus cher. Donc, quand ils arriveront à exploiter ce pétrole, on va le payer encore plus cher et on va pouvoir encore extraire encore plus rapidement et relâcher encore plus rapidement des toxiques que la Terre a mis 500 millions d'années à isoler. C'est un peu bête, hein, un être humain. Vous voulez réagir ? Non, mais il y avait déjà des prises de parole, alors il y avait... Je sais pas si... Ouais. Non, mais ce que je viens de dire, je ne sais pas ton prénom. C'est très très bien. Ce que je veux aussi préciser, c'est qu'actuellement, un médicament sur deux dans le monde vient de la forêt primaire, vient de la forêt amazonienne. Ça, il faut le savoir. Et que l'écologie, c'est le combat fondamental de demain et d'aujourd'hui à l'échelle mondiale. Actuellement, on en parle peu, mais laissez-moi vous dire que bientôt, on en parlera beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est sûr et certain. Et j'insiste à nouveau pour vous dire, à vos prochaines manifestations, mettez un panneau bien, nos amis de droite avec nous. Et vous verrez, ils viendront. Voilà, je tiens à le dire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, ben oui, c'est ça. Ben ça, ex-droite. Ex-droite, ex-droite, c'est ça. Alors, c'est intéressant de dire que l'écologie intéresse aussi à droite. Il faut savoir que le clivage droite-gauche, c'est plus forcément pertinent aujourd'hui. Vous avez souligné le fait que l'écologie, c'est le combat de demain. Donc, va y avoir ceux qui veulent rester dans le petit confort qu'on connaît aujourd'hui. Et ceux qui prennent conscience que la lutte est nécessaire pour changer les états d'esprit. Donc droite-gauche, ça pue peut-être. Bon, après, je n'irai pas voter Sarkozy pour autant, mais... Alors, oui, j'avais oublié de préciser un autre truc, c'est sur... Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des forêts, des arbres, c'est bien pour faire des randonnées. Ça ne sert pas qu'à faire des randonnées. C'est la forêt, si c'est les océans qui sont le principal producteur d'oxygène sur Terre, les forêts sont le principal absorbeur de CO2. Oui. Donc les forêts sont le principal absorbeur de CO2, ce qui veut dire que si on veut lutter contre le dérèglement climatique, il va falloir planter plus de forêts. Juste voilà, pour recentrer un peu le débat, on parle de Notre-Dame-des-Landes ici, donc voilà, si vous avez des choses à dire sur Notre-Dame-des-Landes, des questions à poser. Ah ouais, pardon, je la laisse répondre. Non, c'est juste pour dire que effectivement, comme il précise, c'est pas lui qui le dit, c'est ce qu'on nous dit. Donc de nouveau, je répète, l'idée c'est de rendre plus abordable l'écologie et apprendre un peu aux gens qu'est-ce que c'est vraiment. L'écologie, parce que c'est exactement ce que tu as dit, c'est pas juste le luxe, parce que la forêt, un parc dans une ville est présenté comme quelque chose de luxe. Par contre, aujourd'hui, on sait qu'avec le réchauffement climatique, là je le dis exprès réchauffement, dans le milieu urbain, les parcs sont vitaux pour survivre les grands coups de canicule. Donc voilà, il faut passer un peu, apprendre aux gens que voilà, c'est plus que juste faire un pique-nique avec du vin. Ouais, juste point technique, en fait, nos collègues du collectif Antipub a un message à faire passer. Bonjour. C'est juste ce soir à 21h30 à Opéra, si vous voulez, il y a le jour de la nuit. Donc l'idée c'est de lutter contre la pollution lumineuse, il y a plein de gens qui ont plein de raisons. Et donc on pense éteindre les panneaux et possiblement enlever les publicités au passage quoi. Donc c'est à 21h30 à Opéra, si ça vous dit de venir, ce sera cool. Voilà, on a de belles affiches sérigraphiées en plus, à mettre. Cool. Merci pour l'info. Ah, tu es revenu, on t'attendait. Juste une amie qui devait me rejoindre. Bonjour. Je sais pas si on doit se présenter. Merci. Ok, donc moi c'est Hussein, je fais partie de l'éducation populaire aussi. Donc actuellement je suis en parcours DESIGEP, c'est diplôme d'état de dirigeant de structure d'économie sociale et solidaire. Et la question de l'environnement, je m'y étais confronté très petit d'ailleurs. Je faisais partie des scouts. Et la relation à la nature, c'est quelque chose de fondamental dans l'éducation, dans le scoutisme. Et c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de toutes ces problématiques de l'environnement. On en est conscient. Je peux dire que maintenant, le message mondialement même, et combien, même au niveau des médias, qu'on aime ou on n'aime pas le côté médiatique, ben on en parle. Mais le problème, c'est que face à un enjeu majeur qui est la vie, alors je vais résumer ça, mais vraiment dans le mot vie, l'enjeu il est majeur, c'est vraiment l'avenir de la planète. À côté, il y a un lobby qui est finalement mineur par rapport à lorsqu'on va faire le schéma de la population mondiale et ceux qui possèdent toute la richesse, mais finalement c'est une petite minorité, mais malheureusement qui possède toute la richesse de la planète et qui n'a pas envie de la lâcher. On a associé l'économie aux politiques et on voit au jour d'aujourd'hui ce que ça donne. Et je pense, j'ai entendu dire que la société dans son rythme actuel elle est presque sur un effondrement quoi que ce soit. Sérieusement, avec tout l'amour que je porte pour l'environnement, pour toutes ces questions là je ne pense pas vraiment que la société actuelle est prête vraiment à basculer vers le côté environnemental d'un côté, et de l'autre côté, ben, que ce soit le côté politique ou le côté commercial, d'ailleurs on a organisé tout le millénaire autour de ça, on a mis les valeurs de côté, humaines ou environnementales ou peu importe, et on a mis l'économie au centre. Et du coup tout le millénaire il tourne autour de l'économie, et d'ailleurs la mondialisation ça a été produit justement, c'est un produit pour s'assurer que les multinationales, ils vont être plus confrontés au multiculturalisme qui va faire un frein à la production. Mais non, tout le monde s'habille de la même façon, tout le monde boit la même boisson et tout le monde consomme tout type de produits qu'on va produire. Et du coup, on n'a plus de problème de production. Maintenant, quand on voit, par exemple, on a parlé du pétrole, on s'est dit, voilà, il y aura de l'énergie renouvelable pour faire face à cette pénurie. Non, actuellement, rien qu'au niveau des États-Unis, eh bien, il y a pas mal d'États qui vont devenir des usines à ciel ouvert. Et le gaz de schiste, pas mal. Maintenant, ils ont trouvé pas mal de techniques pour extraire le pétrole. Du sol et même des rochers, mais des manières mais désastreuses pour l'environnement. Mais malheureusement, c'est qu'elle répond à l'enjeu économique. Et du coup, on continue à détruire la planète pour s'assurer de la production et pour s'assurer de continuer à exploiter la planète de façon massive et sans prendre en compte tous les enjeux de ce qu'on va laisser. Personnellement, je parle plus de ce qu'on va laisser aux générations futures. Déjà, si nous-mêmes, on va arriver à finir dans un climat sain et confortable. Au jour d'aujourd'hui, je pense que parler de tout ça, tout le monde le sait presque. Mais pour moi, l'enjeu majeur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour qu'on arrive à faire face? Parce que on a deux lobbies qui ont investi le terrain. On a le lobby de la mondialisation et de l'économie, et qui s'est associé aux politiques. D'ailleurs, c'est eux qui financent les politiques au jour d'aujourd'hui. Que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est la même chose. En France, ou même maintenant dans les pays émergents, on parlait de l'Inde, on parlait... Donc c'est devenu vraiment un acteur majeur. Face à ça, quelles sont les solutions? Comment on peut s'organiser? Il ne faut pas, à mon avis, compter sur l'effondrement de la société ou quoi que ce soit. À mon avis, il faut être un acteur, il faut être, il faut produire un contre-modèle, quoi. Voilà. Merci pour ton témoignage. Et du coup, pour te répondre un peu, je ne sais pas si vous voulez réagir peut-être à ce qu'il a dit. Moi, je voudrais juste te dire que justement, on est en train de parler de Notre-Dame-des-Landes et ça me paraît être un bon exemple de comment résister à ce genre de choses. Et est-ce que vous voulez dire un truc? Non, pas spécialement, mais je vais lui passer la parole. Ça fait longtemps qu'il attend. Oui, alors je voudrais rebondir sur le dernier intervenant. Je voudrais te remercier parce que tu as dit pas mal de choses que je voulais dire. Il y a une chose, moi quand on parle d'écologie, un truc qui m'ennuie chaque été, maintenant depuis quelques années, c'est on nous parle de la terre qui vit à crédit ou je sais pas quoi. Moi je trouve ça assez insultant de dire oui, nous les terriens on vit à crédit, les ressources ont été utilisées. Mais moi je suis désolé hein, mais il y a la majorité de la population mondiale, c'est pas elle qui épuise les ressources, c'est pas elle qui met à crédit les ressources naturelles ou quoi que ce soit. Donc moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter, en fait, quand j'entends les gens dire « Ah oui, mais nous, les humains, on est comme ci, on est comme ça. Ah oui, nous, les humains, ah bah l'homme, hein, quand même, il en fait du mal à la Terre. » Mais non, je suis désolé, c'est pas l'être humain qui fait du mal à au monde. C'est une minorité de la population mondiale et qui est conditionnée pour agir de sorte, avec les conséquences qu'on connaît. Ensuite, tu disais mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je pense que ça me faisait penser à l'intervention du monsieur, du vieux monsieur qui est passé tout à l'heure et qui nous a parlé de son expérience et qui nous a parlé de l'importance de ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire, en effet, je pense que nous, on est là quelques-uns sur la place de la République à parler de Notre-Dame-des-Landes, mais dans le monde entier. Les gens regardent ce qui se passe actuellement, comme ils ont pu regarder et qu'ils ont pu suivre ce qui se passe vis-à-vis de Nuit Debout. C'est-à-dire que on a besoin de solutions et que peut-être que les vraies solutions de demain sont en train de s'élaborer dans des lieux comme Notre-Dame-des-Landes. Alors je dis pas que actuellement ils ont trouvé la solution, mais du moins ils sont en train d'essayer d'élaborer peut-être des solutions qui pourront servir à beaucoup de monde demain. Et ça me fait penser aussi à une question qui est revenue là depuis qu'on a commencé à discuter en début d'après-midi sur pourquoi les gens ne s'impliquent pas dans l'écologie, pourquoi est-ce qu'ils se sentent pourquoi est-ce qu'ils se sentent pas concernés par l'écologie. Et je pense qu'il y a un vrai problème, c'est la question de la politique, en fait. C'est-à-dire que l'écologie, j'ai l'impression qu'elle est séparée entre deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'écologie politique, mais alors l'écologie politique avec des guillemets, encore une fois. C'est-à-dire, on a cette écologie de la COP21, où on va nous parler de le monde, machin. On a on a Hollywood. On a aussi l'écologie avec Hollywood qui nous fait des grands films et autres. Dans une moindre mesure, on a aussi le parti écologiste français. Moi, je sais pas. C'est un terrain glissant, mais les gens l'interprètent comme ça aussi. C'est-à-dire, le parti écologique français, on fait oui, d'accord, ils jouent avec les institutions. On sait pas très bien quelle est leur position à chaque fois qu'il y a des questions un petit peu dures, quoi, un petit peu clivantes. Et donc, on a cette espèce de d'écologie modérée. Ça, les gens, Ils ne supportent plus, ils n'en veulent pas. Parce que je crois qu'ils ont très bien saisi ce que disait le monsieur, c'est-à-dire que même les gens de droite, c'est que l'écologie, c'est pas pour eux quelque chose de politique ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est lié à la vie, au bien-être de tous. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si on aborde les questions écologiques de manière sérieuse, et qu'on se dit non, il y a un véritable problème, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que c'est pas une question de l'homme qui est méchant, qui détruit la planète, non, c'est qu'il y a des questions économiques, des questions politiques, des questions géopolitiques extrêmement, extrêmement complexes et qui demandent des réponses au final assez radicales. Et c'est ça le problème, c'est qu'au final, l'écologie, avec l'expérience qu'on a, et c'est ce que montre Notre-Dame-des-Landes, c'est que si on a une véritable démarche écologiste honnête, on se retrouve dans le bocage à se faire taper dessus par les CRS. Et c'est ça le problème, c'est que d'un côté, on a l'écologie avec la COP21, et de l'autre côté, on a les gens qui se défendent sur le terrain, pour défendre. Alors, il y a Notre-Dame-des-Landes, mais on a aussi plein de gens qui se défendent un petit peu partout dans le monde contre des multinationales qui viennent pourrir leur environnement. Et ça, c'est sur tous les continents, dans tous les pays. Et donc, le vrai problème, c'est que les gens le sentent bien, c'est que s'ils doivent réellement s'investir dans la question écologique, ils voient qu'il y a quelque chose de très radical, quelque chose de vraiment révolutionnaire. Et ça, le problème, c'est que les gens ont été conditionnés pour fuir toutes ces formes de d'action révolutionnaire. Et donc, voilà, à mon avis, le problème, il se joue au niveau de la communication, au niveau de l'éducation. Et c'est pour ça qu'on est très content et du pop de recevoir les gens d'Écologie Debout pour discuter d'écologie et de Notre-Dame-des-Landes. Tu nous parles d'écologie et Notre-Dame-des-Landes. Moi, je suis un mec des 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, tu connais 24 heures du Mans? 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans. Tu connais? Voilà. attends, il y a qui parti, il revient pas. C'est de la merde. Il part en moto, il revient sans moto. Ok, c'est bon. Moi, je vous dis un truc. Moi, je suis marocain, ça se voit. Mais okay. Pourquoi tu vas au Maroc alors que tu es raciste? Ok. Alors, on n'est pas dans l'écologie là. Merci, mais quoi que l'écologie au Maroc, moi ça peut m'intéresser, hein. Ça risque d'être compliqué. Il y a des tours de parole. Oui, il y a des tours de parole, donc je vais passer le micro. Non mais il a déjà parlé tout à l'heure. Moi j'ai rien à dire, mais c'est pour que lui puisse pas parler. Parler des solutions concrètes, des choses comme ça. Mais non, on t'aime, voyons, même toi. C'est juste un petit exemple, mais toujours de l'ancien combattant. Moi, j'irai pas à Notre-Dame-des-Landes parce que j'ai fait le Super Phoenix, les manifestations et le Larzac et compagnie, donc je sais ce que c'est, puis j'ai passé l'âge. Par contre, ce que j'ai appris, ça fait depuis 30 ans que je m'occupe de médecine douce, de médecine alternative, parce que le système sanitaire aujourd'hui, il est complètement débile. Et je m'en occupe gratuitement, toujours. Et maintenant, à Paris, s'il y a un jardin à côté de la gare de l'Est, qui est géré par Emmaüs pour les SDF, où se retrouvent et bricolent les SDF. Et j'essaie de leur faire connaître, d'appliquer certaines choses, pas tout, c'est pas possible, mais. Et je crois que c'est important parce que souvent on se rend pas compte, mais les SDF, justement, ils le deviennent, et je l'ai été aussi, parce que ce sont des gens très sensibles à la pollution, au mauvais environnement, aux relations débiles, etc. À un certain moment, ils en ont marre et à la première occasion, ils se barrent. Mais après, il n'y a plus rien. Et je crois que, enfin, moi, je suis convaincu que c'est là qu'il faut commencer. Bon, maintenant, c'est une idée à moi et chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous voulez m'aider, je veux dire, ça s'appelle le Jardin Saint-Laurent. à côté de l'église Saint-Laurent, gare de l'Est. Ils nous accueillent. Merci pour les informations. Quand on est tant qu'à rechercher une solution, j'ai une proposition, ça va peut-être pas révolutionner le monde, mais si chaque Français plantait un arbre, je parlais des arbres tout à l'heure, ce serait déjà une action écologique à plusieurs niveaux. Ça aiderait à mieux contrôler l'eau, à réguler les températures, à réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère. Ça ferait que le paysage serait plus joli, parce que plus il y a d'arbres, les arbres, c'est quand même beau. Et ça ferait plus de coins de randonnée. C'est super hein, ce que font les copains à Notre-Dame-des-Landes. C'est super génial, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et il faut qu'on trouve des solutions à plus petite échelle, au-delà d'éteindre sur les appareils électriques à la maison. C'est déjà ça. Merci. Tu veux réagir ? Pour recentrer un peu sur Notre-Dame-des-Landes et ce que tu disais, tout le monde ne peut pas Notre-Dame-des-Landes. La dernière fois j'y suis allée, j'ai rencontré un couple d'octogénaires qui plantaient leur jardin et qui se nourrissaient de cette façon en cultivant leurs légumes. Et ils m'ont dit qu'il y allait avoir en chantier de construction une maternité et une maison de retraite. Donc ça va élargir un peu le spectre des âges de potentiellement des gens qui vont s'installer à la ZAD et qui vont peut-être y naître et peut-être y mourir aussi. Et est-ce que vous avez une liste de compétences recherchées à Notre-Dame-des-Landes, savoir s'ils cherchent un boulanger, un ferronnier voilà. Ils recherchent des architectes, ils recherchent des menuisiers, beaucoup de menuisiers, ils recherchent des boulangers, parce qu'il faut faire vivre les gens sur place et faire la cuisine et tout ça. Et de façon permanente si possible. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais il y a aussi moyen d'y aller soit l'été pour quelques mois, soit l'hiver, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est possible aussi. Mais on cherche beaucoup, beaucoup de métiers différents pour pouvoir faire vivre la ZAD, quoi. Donc oui, menuisier, charpentier... J'interviens un peu sur Notre-Dame-des-Landes de manière générale. En fait, j'ai pas tout suivi, hein, mais c'était pour parler un peu des problèmes écologiques type Notre-Dame-des-Landes. Quoi, les gros projets, tu sais, qui sur lesquels on est obligé de se battre parce que l'État pousse quelque chose contre la démocratie. En fait, c'était pour faire le rapprochement sur la lutte écologique. Bon, moi, j'étais ingénieur environnement avant, donc j'ai beaucoup suivi le nucléaire, le machin, le truc, les normes, etc. Et en fait, le problème de l'écologie, c'est aussi un problème démocratique, en fait. C'est ça, le problème. Aujourd'hui, c'est ça, c'est que c'est un problème démocratique. Tu prends Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas eu de démocratie au bon moment, ça a été fait contre l'avis de tout le monde. Bon, après, ils ont essayé de manipuler un référendum, mais ça n'a pas été vraiment discuté. Tu prends le nucléaire, ça n'a pas été discuté, ça a été fait dans les années 60-70, c'est imposé. Et depuis, on rame comme des bêtes. Tu prends le centre de Bure, par exemple, le stockage profond, moi j'avais bossé dessus. C'est un truc démentiel, c'est-à-dire que les mecs ils vont payer 10 milliards pour faire le stockage profond à 500 mètres sous terre avec plein d'ingénieurs, machin, etc. Mais le concept, c'est un concept de stockage à 10 000 ans. Un enfant de 5 ans, il va dire c'est débile ton truc. Mais comme les mecs ils sont partis dans un concept, il faut que ça marche, polytechnicien, co, etc., etc., et que c'est pas démocratique, ils vont aller au bout du truc. Et en fait, tout ça, c'est des problèmes démocratiques. Tu prends les histoires des éoliennes en mer, où moi j'ai audité des trucs du CNDP où ils ont dépensé 1 million pour faire 150 consultations. On fait des consultations, les gens ils disent ça nous plaît pas que ce soit là, il faudrait que ce soit à 10 km ou 20 km, c'est une zone de pêche, ça fait chier, mais on pourrait trouver une solution. Paf paf, ils font le rapport. L'aménageur, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il continue parce qu'il n'est pas obligé de tenir compte de la vie citoyenne. Donc je prêche un peu pour ma paroisse de jury citoyen, de référendum et tout ça, être citoyen dans la décision, mais pour moi c'est ça la solution, c'est qu'à un moment, t'es des jurys citoyens, t'es un sénat citoyen, quoi, ou que tous ces dispositifs de démocratie participative soient impératifs. Et à ce moment-là, tu pourras changer. Mais tant que c'est pas ça, comme je dirais les lobbies économiques ou le monde politique est tellement dans le sens d'une forme de système financier, on n'y arrivera pas, soit par l'interne, où tu vois le nucléaire, les mecs ils sont déments, Et les pesticides, j'en parle même pas, quoi. Tu vois, donc il faut retrouver un process démocratique pour qu'on reprenne d'une façon ou d'une autre le pouvoir. Et à ce moment-là, on arrivera à faire changer les choses. Et en attendant, voilà, on est à Notre-Dame-des-Landes, mais il faudra un moment que la force citoyenne, elle existe, quoi. Voilà, c'est tout. Merci pour ce témoignage. Vous voulez répondre, réagir à ce qu'il a dit? C'est un peu déjà le cas à l'échelle de la ZAD et des ZADistes. Toute décision est prise au sein d'une assemblée. C'est un processus extrêmement horizontal et extrêmement transparent, démocratique. Tous les comptes rendus des décisions qui sont prises sont mis en ligne sur Internet. C'est consultable. Et pour moi, c'est déjà un bon... c'est à l'échelle de 200-300 personnes. Mais c'est déjà un exemple de ce qu'on pourrait faire à l'échelle de village où c'est déjà l'organisation de la ZAD est pour moi un bon exemple de contre-société qu'il faudrait peut-être étendre. Pour rebondir ce que tu dis Gaël, en fait c'est souvent ce qu'on dit ici et ce que les gens disent. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives un peu partout qui sont pour la plupart à des échelles assez petites pour l'instant. Et je sais qu'il y a des gens de Nuit Debout qui sont même pas à Nuit Debout, peu importe, qui rêvent de faire une ZAD à Paris ou un truc de fou furieux. Et on se pose toujours la même question, c'est comment on fait. Et pour ça, Notre-Dame-des-Landes, c'est un peu difficile parce que je sais pas du tout ce que vous avez dit avant, donc je vais pas faire de la répète non plus, mais pour moi c'est un exemple. Et j'ai juste envie de me mettre à genoux et leur dire amen, quoi, parce que ce qu'ils font, parce que c'est pas fini, c'est juste un exemple. Et effectivement, moi je leur tire leur chapeau. Et j'ai l'impression, alors après c'est peut-être une impression, mais du coup ça a vachement motivé les gens à droite à gauche. Et quand je vois ce projet là qui de supermarché avec donc j'ai souvent parlé ici avec une piste de ski à côté de l'aéroport en région parisienne, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et du coup, il y a... alors certes, avec Alternatiba et quelques assos, toujours les mêmes un peu, il y a quelque chose qui a essayé de se mettre en place, mais c'est très compliqué. Parce que encore une fois, il y a le pognon derrière. Et l'argent, malheureusement, ça achète même les plus bonnes volontés. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose que j'aimerais bien voir en grand format. Et on en parle souvent ici, on en parle aussi dans notre atelier « Quelle société veut-on ?». Et franchement, si on peut faire ça à Paris, moi je serais super content. Mais souvent ce qu'on nous dit, c'est que c'est compliqué à Paris. Parce que il y a pas le même endroit, il y a les monuments, les machins, les immeubles. Mais il faut gratter. Il faut gratter quand on voit... les assos là à Porte de Clignancourt où ils font des jardins publics où ils ont fait venir des poules et compagnie, ça commence à se développer. Faut en faire partout, mais c'est un peu con ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Non c'est pas du tout en fait le but à Paris c'est d'ouvrir des lieux alternatifs et qui sont pas forcément sur une place publique, mais qui sont dans des squats, dans des immeubles abandonnés, dans des bureaux qui sont pas utilisés, etc. Donc c'est récupérer un peu des lieux qui sont pas utilisés, et c'est possible à Paris. C'est très possible à Paris. Ouais, donc justement sur les lieux, je crois que tu parles de l'initiative de maintenant, là, ou je sais pas, de... Ouais, c'est ça. Ce serait intéressant d'ailleurs que t'en parles, que t'expliques, parce que comme ça qu'on sache, je sais que c'est Nicolas qui fait ça, et c'est un truc vachement intéressant, et que tu nous expliques plus. Et aussi, ouais, donc sur les lieux comme ça, alternatifs qu'on pourrait récupérer. Moi, j'avais une proposition, en tout cas, un copain m'a fait une proposition, il m'a dit, ce qu'on pourrait faire, c'est accueillir les migrants dans ces lieux-là. Tu vois? Et ça, je trouvais que c'était une super bonne idée. De dire, ces lieux-là, ils pourraient venir, ils pourraient vivre, puisque c'est des lieux alternatifs autonomes, et rentrer dans le dispositif, et ça ferait un vrai lieu d'accueil alternatif, quoi. Voilà. En tout cas, c'était une proposition sur ces zones. Voilà. Merci. Tu veux répondre ou tu veux expliquer le je connais pas le projet moi, mais tu veux expliquer ou pas? En fait, maintenant, c'est une toute jeune association qui propose d'ouvrir des écolieux, c'est-à-dire des lieux autonomes et dans lesquels on peut vivre dans des endroits abandonnés qu'on se réapproprie et qu'on fait vivre avec des gens qui sont sur place de façon permanente et qui font vivre le lieu. Alors, c'est encore à l'état de réflexion et tout ça, mais oui, tout à fait, pour accueillir des sans-abri, pour accueillir des migrants et pour faire vivre des initiatives citoyennes alternatives, pour faire vivre d'autres processus démocratiques et recréer à l'échelle vraiment micro-locale des petites sociétés alternatives, quoi. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un veut encore réagir sur Notre-Dame-des-Landes ou poser une question, tout simplement? Oula. Ou alors sinon, on va passer tout simplement à la boîte à questions. Je sais pas, vous voulez peut-être clôturer le sujet quand même, faire une petite conclusion? Petit point technique, c'est une bonne nouvelle, on annonce 50 000 personnes sur place à Notre-Dame-des-Landes. Donc bravo à tous les zadistes, bravo aux militants environnementaux, bravo même à tous les gens qui sont pas militants et qui sont allés sur place et, et qui ont soutenu, qui ont participé à la manifestation et qui vont peut-être rester dans la semaine parce qu'il y a des chantiers de construction qui sont en train de se préparer. Voilà. Bon bah voilà, donc on va clôturer le sujet maintenant. Et à moins que tu veuilles conclure, est-ce que tu veux? Non, pas spécialement. Bon bah voilà, on va s'arrêter là-dessus, hein.